Vous écoutez France Culture. Pour ce 38e numéro des Vendredis de la musique, n'ayons peur de rien et affrontons-nous une fois encore avec les séductions dangereuses de l'anneau du Nibelung. 15 heures d'une musique porteuse d'un monde mythique qui, depuis sa création, fut l'objet de toutes les amours, de tous les rejets, de toutes les interprétations possibles et contradictoires, tel est bien le défi que nous lancions en 2006 à Bruno Lussato, dégustateur fiévreux et analyste émérite de cette tétralogie wagnérienne qu'il venait tout juste d'analyser, de passer au scalpel dans une somme intitulée « Voyage au cœur du rime », près de 2000 pages chez Fayard. Nous décidâmes donc de mettre en acte la pensée fondatrice de Richard Wagner, la musique est action. Et notre action fut d'installer Bruno Lussato au piano afin qu'il nous initie au ring à travers les fils de la musique et de son écriture. Avec lui, avec L'Or du Rhin, le premier volet, nous avons entamé la découverte, les mythes, les personnages, les intrigues engendrées parfois par un simple accord ou les métamorphoses magiciennes d'un leitmotiv. Nous avons découvert aussi la façon singulière dont Bruno Lussato imagine une lecture du ring pour le 21e siècle, où le monde contemporain de la bourse, du pouvoir, du management international et de l'écologie trouvent parfaitement leur place au sein d'une œuvre composée au cœur du 19e siècle. Alors que l'on aime ou que l'on n'aime pas Wagner, que l'on soit mélomane déjà averti ou que l'on veuille pénétrer pour la première fois l'univers fascinant de ce monument de l'histoire de la musique, eh bien il faut toujours tout recommencer car c'est un peu toujours la première fois avec la tétralogie, cette œuvre qui ne cesse jamais de nous échapper tant elle est tissée, tant elle est tentaculaire. Alors aujourd'hui nous allons retrouver le second volet et Bruno Lussato, ce sera donc la Valkyrie, alors même qu'en ce moment l'Opéra Bastille la programme dans le cadre de son tout premier ring, et chaque fois un premier ring dans une salle d'opéra, c'est toujours un événement d'importance. Alors pour vous qui avez raté le début, ou pour vous qui n'êtes plus tout à fait sûr de vous souvenir parfaitement de ce qui s'est passé, voici un bref résumé des épisodes précédents. Commence alors qu'Alberich, le chef des nains, est en proie à des instincts lubriques. Par une chaude nuit d'été, poussé par le désir sexuel, il émerge de son antre vers le lit du fleuve, attiré par les séduisantes filles du Rhin. Les ondines, tour à tour, l'excitent, se jouent de lui, pour ensuite le rejeter en lui faisant cruellement ressentir sa laideur. Il essaye en vain de les poursuivre, et à ce moment précis, l'aube pointe, éclairant un bloc d'or situé au sommet du rocher central. Les filles du Rhin, imprudentes, dévoilent le secret. Celui qui volera l'or pourra en forger un anneau magique. À l'intérieur de cet or sont inscrits des runes secrètes. Leur charme procurerait au propriétaire de cet anneau une richesse illimitée. Il deviendrait le maître du monde. Le prix à payer pour forger l'anneau, renoncer à l'amour. Alors, Alberich renonce à l'amour. Mais il le maudit aussi et ravit le bloc d'or. La richesse acquise, pense-t-il, lui achètera le plaisir charnel. Après cela, sous les yeux du spectateur, le décor se transforme, des profondeurs du fleuve au sommet d'un haut plateau verdoyant et fleuri qui domine la vallée du Rhin. Les rayons du soleil levant éclairent sur l'autre versant de la vallée un château magnifique. Il est le signe extérieur du pouvoir de Wotan, dieu des dieux. Wotan ne peut pas payer les géants constructeurs de son château. Alors ceux-ci prennent Freya en otage, affirmant que si à la fin de la journée l'or ne leur est pas remis, ils emporteront à tout jamais Freya, la déesse de l'amour et de la jeunesse. Freya, enlevée par les géants, les dieux vieillissent et s'étiolent. Il ne reste plus donc qu'à s'emparer de l'anneau. Logueux, dieu du feu, apôtre de la jouissance de l'instant, convainc Wotan que voler un voleur n'est pas voler, et tous deux décident de dérober l'or d'Alberich en allant dans son domaine au Nibelheim. Chez les Nibelung, qui ressemble étrangement à un camp de prisonniers où Alberich, devenu paranoïaque, opprime les nains avec la violence pathologique d'un fanatique totalitaire. En plus de l'or, Alberich possède une résille d'acier, le Tarnhelm, aume du déguisement, qui confère une propriété supplémentaire au possesseur de l'anneau. Il le rend invisible, lui confère ubiquité et pouvoir de se métamorphoser à volonté. C'est à son propre frère, Mime, que Alberich a confié la tâche de lui forger ce home. Pour s'emparer de l'anneau, Loge joue sur la vanité du nain qu'il défie d'utiliser le home pour se transformer en dragon puis en crapaud. Alors qu'il est devenu crapaud, Alberich est garrotté et vaincu et doit abandonner successivement le trésor, le home magique et l'anneau. Ayant ainsi perdu l'amour et les richesses, il maudit l'anneau fatal. Tout futur possesseur de cet anneau devra comme lui renoncer à l'amour et finira assassiné par celui qui, rongé par l'envie, le lui dérobera. Les premières victimes seront les géants eux-mêmes. Ce sera le géant sentimental Fasolt que Fafner, son frère, tuera pour s'emparer de l'anneau tout juste donné par Wotan. Fafner, transformé en dragon, se retire dans une grotte pour couver le trésor. Wotan, lui, est terrorisé. La malédiction de l'anneau est une bombe à retardement qui va provoquer une série de morts violentes. Bruno Lussato, nous venons de vivre lors du Rhin une journée. Ça durait une journée lors du Rhin. On va partir pour vivre encore avec vous cette 24 heures qui sont les 24 heures de la Valkyrie. Donc lors du Rhin, c'était le prologue. La Valkyrie, c'est le premier acte de cet anneau des Nibelung de Richard Wagner. Oui, et beaucoup de choses sont passées entre l'Or du Rhin et la Valkyrie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ni dans l'Or du Rhin ni dans la Valkyrie. Entre les deux. C'est ce que j'ai appelé des actes fantômes, qui ont dû durer au moins 17 à 20 ans. Que s'est-il passé? Nous souvenons que Wotan avait deux idées pour se sortir du pétrin. La première idée, c'est d'aller trouver Erda. Erda représente Gaïa, ça représente la Terre. Et il va la violer. Il va en sortir une fille qui s'appelle Brunhilde. Et on dit aussi que les d'autres Valkyries, ce qu'on appelle les Valkyries, les chercheuses de mort, vont être les filles de Wotan, mais on n'est pas sûr. Je pense, moi, que les huit Valkyries sont filles également, filles de Erda. Mais Brunhilde est la préférée. Il y a toujours une fille préférée. Et Brunhilde a hérité à la fois de l'intelligence de son père, mais aussi de la prophétie, le don de prophétie de la mère et de la sensibilité de la mère. Au fond, Wotan, qui a perdu son œil gauche et que par cela même est devenu aveugle au sentiment et à l'intuition, retrouve ce sentiment et son intuition dans cette fille. Et la fille donc le complète. Cette fille est une partie de lui-même, en quelque sorte. C'est une des très belles relations de magnifique, de l'anneau magnifique. C'est plus que fille. Attention, c'est plus qu'une relation fille-père. Elle est partie de lui-même. Sans Brunhilde, il redevient le dieu borgne. Elle est l'œil qui lui manque. Que va faire, pourquoi Brunhilde? À quoi est-ce qu'elle va servir, Brunhilde? Et à quoi vont servir les Valkyries? Et ben voilà, c'est une idée qu'il avait derrière la tête, lui. Lorsqu'il appelait le Valhall salle de la sélection. Parce qu'on était resté sur l'idée, qu'est-ce que ça veut dire, ce que lui disait Fricka, hein? Pourquoi ton château s'appelle le Valhall? Et oui, il avait demandé. Voilà. Pourquoi est-ce que le Valhall, c'est la salle de la sélection? Qu'est-ce qu'elle vient faire, la sélection, là-dedans? Eh bien voilà, je vais vous expliquer. Que craint, au juste, Wotan? Il a peur qu'Alberich, d'une manière ou d'une autre, s'empare de l'anneau que le géant garde actuellement. Le géant, il est parti très loin et il gît sur son or. Oui, et alors, oui, effectivement, il est parti très loin. Il est dans une grotte qui s'appelle Nidhölle, ça veut dire la grotte de l'envie. Il s'est transformé en dragon pour bien garder le trésor. Et il couvre le trésor, comme ça, il est assis dessus, et il dort. Alors vous, ça vous fait penser à quoi, Bruno Lussato? Parce qu'on a bien vu que vous avez une lecture très 21e siècle avec le management, avec les multinationales. C'est quoi ce dragon qui gît sur son or? Vous comprenez, aujourd'hui, un homme qui repose sur son or, repose sur ses richesses, etc., est condamné à mourir. Et d'ailleurs, que dit Fafner lorsqu'on essaye de lui montrer qu'il y a un danger, que quelqu'un qui a de l'or et que quelqu'un qui a des richesses court toujours le danger de se les voir déposséder? Eh bien, Fafner répond « Je gis et je possède. Laissez-moi dormir. » Je connais beaucoup de dirigeants, vous savez, qui sont comme ça. Ils dorment sur des lauriers acquis. Ça finit très mal. Alors, Wotan, voilà ce que craint. Je voudrais m'arrêter juste deux petites secondes sur cette phrase. Je gis et je possède. Parce que si on n'a pas le temps de commenter tout le texte, mais il y a une immense force dans ce texte qui parfois a été très critiqué. C'est vrai qu'il y a des côtés caricaturaux parfois, mais il y a cette force des formules. On le verra pas maintenant, mais avec Siegfried, par exemple, la façon dont il parle de lui-même ou de son corps. Il y a des forces terribles des phrases. Hein. Je gis et je possède. Et ce qui est important, c'est la musique qui va avec, qui ressemble à un énorme bâillement. Ich leg unbesis, lasch mich schlafen. Laissez-moi dormir, lasch mich schlafen. Laissez-moi dormir. Mais ça, c'est les raccourcis wagnériens. Revenons donc à la logique de notre drame. Ce que craint Wotan, c'est que Alberic, d'une manière ou d'une autre, arrive à s'emparer de l'anneau. Et s'il s'empare de l'anneau, c'est la fin des dieux. Parce que lui ne se laissera plus le reprendre. Et que va-t-il faire avec cet anneau? Avec cet anneau, avec la richesse, il va tout corrompre. Il va tout acheter. Et même les dieux seront achetés par Alberic. Les hommes qui, jusqu'à présent, étaient matés par les lois, par le juridisme de Wotan, céderont également, car entre l'homme politique et le financier, entre la valeur des lois et la valeur de l'argent, c'est l'argent qui domine toujours. Ça, c'est une des moralités du ring. La puissance financière l'emporte sur la puissance politique. Nous pouvons dire vraiment que le XXIe siècle a donné raison à la préscience de Wagner. Bien, donc c'est la crainte de Wotan. Maintenant, il y a pire. Admettons que Alberic s'empare sur cet anneau. Il va commencer à payer tous les hommes, vous voyez. Qui va défendre le Valhalla? Comment faire à donner des tripes à des gens qui n'en ont pas? Hegel a répondu. Hegel nous a dit que lorsqu'il y a deux adversaires, celui qui l'emporte sur l'autre est celui qui accepte de mourir, qui n'a pas peur de mourir pour ses idées. Donc il faut former des kamikazes, il faut former des gens qui n'aient pas peur de mourir, qui sont vraiment des gens courageux. Wotan fait quelque chose qu'on fait, à un moment donné, des managers, notamment des managers allemands et américains. Ils ont fait des séminaires de motivation et d'encouragement pour donner des tripes à des gens qui n'en ont pas, à des dirigeants qui n'en ont pas. On les met dans des canaux en péril, on les fait grimper à des mâts, on les fait sauter en parachute, vous comprenez? Celui qui est vraiment le héros est celui qui est mort, bien entendu. Et alors, celui qui est mort, le héros mort, qui est vraiment le héros courageux, on le met dans une salle qui est la salle de la sélection, qui est le Valhalla. Et c'est les Valkyries qui les récupèrent. Les Valkyries, en fait. Ça veut dire les chercheuses de mort. C'est les femmes de la sélection. Ce sont des spécialistes en motivation, voyez-vous, qui viennent, je ne plaisante pas du tout, et qui viennent évidemment chercher tous ces hommes pour les emmener au Valhalla. Le seul problème, c'est qu'ils sont morts. Thank you. je vous ordonnais de m'amener des héros, ceux que jadis nous tenions sous nos lois, ces hommes dont nous avions réprimé le courage, qui étaient contraints à l'obéissance aveugle par les liens trompeurs d'obscurs traités. Et Wotan se doute bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Alors il a une autre idée. Il se dit, voilà, je vais d'abord essayer de faire un enfant d'une femme, d'une louve. Et cet enfant, je vais en faire un guerriero. Je vais le former contre les lois. J'en vais faire quelqu'un qui va transgresser, qui va faire de la contre-culture. Il va devenir un loup. Moi, je suis un loup, on va devenir un loup, et ça va être un louveteau. Et je vais lui apprendre tout à l'envers. Ça veut dire, toutes les lois des hommes, il va les enfreindre pour qu'ils soient constamment pourchassés d'un côté ou de l'autre. C'est comme ça qu'on s'aguerrit, vous comprenez ? Une fois qu'il sera bien costaud, bien agressif, et qu'il aura vu de toutes les couleurs, et qu'il sera bien, bien entraîné, je me débrouillais pour qu'il aille vers Fafner, qu'il vole l'anneau, et puis l'anneau, je ne sais pas comment, il le rendra aux filles du Rhin, mais moi, je ne suis pas mouillé. C'est pas moi, c'est lui. D'abord, il fait un enfant. Donc, hein, avec une femme. Avec une femme. Et lui-même n'est plus tout à fait Wotan, il est Wotan déguisé en loup. Il se déguise en loup. Oui. Il s'appelle Velse. Mm. Velse. Et le problème, il ne fait pas un enfant, il en fait deux. Un garçon, une fille. Le garçon, c'était prévu, mais la fille, c'était pas prévu. Oui. Sigmund et Sieglinde. Bon. Et un jour, en rentrant de la chasse avec son fils, il s'aperçoit que la femme a été égorgée et que la fille a été enlevée, vendue par des pirates à un homme qui s'appelle Hunding. Hund, ça vient de chien, vous savez, qui est un riche possédant. C'est un capitaliste, achète cette femme et c'est un mariage sans amour. Le jour où cette fille, qui s'appelle Sieglinde, se marie avec Hunding, le chien, le propriétaire, le bourgeois, n'est-ce pas, apparaît Wotan, déguisé, muni d'une épée. Il rentre dans la grande salle des noces. Et la grande salle de noces, en son centre, contient un frêne. Il y a un frêne qui soutient toute la toiture. Il prend une épée. Fiche l'épée Wotan, dans le tronc, hein, comme Excalibur. Mmh. Et Wotan dit, celui qui arrivera à arracher l'épée, qui est une épée invincible, va pouvoir ensuite chercher, grâce à cette épée, l'anneau qu'a le géant, tuer le géant, rendre l'anneau figuré, ainsi de suite, et voilà. Freut ein Weib, das ungefragt Schächer im Schenten zur Frau. Il me regarda, foudroyant les autres, et sa main brandit une épée qu'il enfonça dans le tronc du frêne, l'y fichant jusqu'à la garde. Le fer serait à celui qui l'arracherait au tronc. Le thème de Siegmund. Oui. Vous ne l'avez pas joué. Alors, c'est très intéressant ce que vous disiez. Le thème du Siegmund est dépressif. Évidemment, avec l'enfance qu'elle a eue, vous savez, il n'y a pas de quoi jubiler. Etc. Et le thème surtout, de Singelind ? Alors, puisqu'ils sont jumeaux, est-ce qu'il y a quelque chose qui est jumeau dans leur thème? Rien, absolument rien. Sinon, le fait qu'ils vont très bien ensemble, leur thème se marie. Mais en réalité, ils ont une signification totalement différente. Le thème de Siegmund vient du thème de la lance. Etc. Donc, c'est un thème tout à fait dépressif. Le thème, au contraire, de Sieglinde est un thème tout à fait ambigu qui provient du thème de l'anneau, aussi curieux que ça puisse paraître. Mm-hmm. C'est la séduction, vous savez. Nous avons toujours toutes ces tierces. Mm-hmm. Et comment vous expliquez que ce thème de Sieglinde soit proche du thème de l'anneau ? Oui, c'est une chose que je me suis demandé, justement. Tu me demandes, mais comment ça se fait que le thème de Siegmund est tellement proche du thème de l'anneau ? Et je me suis aperçu qu'en réalité, c'est pas du tout, il n'est pas proche du thème de l'anneau. Ils ont la même racine. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de la séduction illusoire. Mm-hmm. Et la séduction illusoire, effectivement, c'est d'avoir la richesse. Ça veut dire, qui à l'anneau va être tué, va être assassiné par quelqu'un qui va s'en emparer. Donc c'est vraiment un pouvoir illusoire. Mais le pouvoir, l'amour entre Siegmund et Sieglinde va être également un amour illusoire, car ils sont frères et sœurs, c'est l'inceste, et c'est voué à la mort, vous voyez. Donc en fait, ils vont se rencontrer, parce qu'on ne les a encore pas fait se rencontrer. Wotan espère, une fois qu'il a eu cet enfant, Siegmund, que Siegmund retrouvera sa sœur, et donc retrouvera cette épée qui va lui permettre de s'armer. En fait, oui, c'est, vous avez raison. Siegmund, je vous disais qu'il avait fait des siennes. Et oui, il a rencontré une jeune fille. Et cette jeune fille, ses frères voulaient absolument qu'il se marie avec un homme qu'elle n'aimait pas. Alors, vous comprenez, il a tué les frères. Mmh. Il était très étonné ensuite de voir que la sœur se mettait à pleurer les frères. Siegmund s'est enfui. Et Wotan a suscité un orage, vous voyez, pour pousser Siegmund vers la maison de Hunding où se trouvait l'épée. Et le thème de l'orage, qui est extrêmement connu, c'est... Donc, nous avons ici l'état stationnaire en ré et... qui est bien... qui est donc vraiment le thème de la dépression, le thème également de la lance, de l'épée. Ce qui montre bien que cet orage était suscité par Wotan. Bon, en tout cas, Siegmund arrive là où il doit arriver, c'est-à-dire là où il a l'épée. Je Ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il tombe amoureux de sa sœur. Ça n'était pas prévu. Et c'est elle qui va se rendre compte, et oui, à la voix, au regard, qu'en fait, ils sont frères et sœurs. Les deux trouvent un peu d'amour, un peu de tendresse entre eux. Ils ne savent pas encore qu'ils sont frères et sœurs. Mais Hunding, lui, s'en rend compte. Et comme ils se ressemblent, ils ont le même serpent brillant dans les yeux. Siglin pose constamment des questions et entend le thème, un thème magnifique, et le thème de l'amour, d'abord. Lorsque Sigmund annonce sa descendance, qui est un Welsung, Welsung, ça veut dire qu'il est de la descendance de Wels, dont il ne sait pas qu'il s'agit de Wotan. Mm-hmm. On entend un thème magnifique qui, au fond, est le thème de tous les Welsungen, et ce thème est formé de plusieurs sections. Mais très intéressant parce qu'il montre non seulement le caractère de Sigmund et de Siglin, mais le sort de toute leur race. On entend d'abord quelque chose qui ressemble à une marche funèbre, beaucoup plus qu'un thème héroïque. Puis il s'infléchit dans une grande tricère, très très très signée. Et puis tout d'un coup, le thème vient en majeur et on entend comme une espèce d'espoir, comme de la douceur. Mais il retombe. Et lorsqu'il dit notamment « Tu sais pourquoi je ne m'appelle pas Friedmund ?» Ça veut dire la bouche de gaieté. Il s'appelle en effet malheureux, Vevald, celui qui a choisi le malheur. Donc, l'ensemble déjà de ce thème des Welsungen est toute une histoire en soi. Ce sont de pauvres malheureux, en fait. Sigmund va arracher l'épée. Et l'épée qu'il va arracher à un thème, évidemment. Ceci, Nothung, c'est le nom de l'épée, mm-hmm. qui signifie détresse. Ça signifie aussi que la force virile ne peut se conquérir que dans la détresse, dans la difficulté. Ce thème est d'autant plus tragique que lorsque Sigmund va arracher l'épée au tronc, il va vouer l'épée au sang. Et à la mort. Les deux font quelque chose qui n'est pas très convenable. C'est-à-dire qu'en fait, on voit là, il y a toujours eu quelque chose de scandaleux. D'ailleurs, ça a été interdit à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle fait dormir l'époux et elle fait l'amour avec, en plus, son frère, l'inceste, pendant que l'époux dort assommé par elle. Exactement. Et alors, Donc le thème de Hunding est brutal, le chien. Mm-hmm. N'oublions pas que ça, c'est le mari, hein. Sigmund est un loup, Wolf. Mm-hmm. Et d'ailleurs, par la suite, les personnages positifs du drame commencent par W. Wels, Wotan, Vala, etc. Mm-hmm. Les personnages négatifs, Hunding, Hagen, etc., commencent par un H. C'est très curieux. C'est encore c'est le problème de la manie des allitérations, oui, chez Wagner. Les consonnes ont une grande importance. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, les deux sont tellement emportés par la passion et par le sexe que lorsque Sigmund apprend que Sigling est sa sœur, c'est trop tard. Et il dit « So blühe ein Waldsungenblut » ainsi que fleurisse le sang des Weltsung. Et le mot finit par « blut », par le mot « sang ». Ça avait été traduit par Wilder, je crois, si je ne me trompe, par « Je suis à toi, à la vie, à la mort ». Vous voyez, ben, c'est pas aussi... Non, « Weltsungenblut », le sang des Weltsung, c'est le mot « blut », comme dans Wozzeck. Wozzeck, la scène terrorisante de deuxième acte, finit par le mot « blut, blut, blut », le sang. Et la musique est terrorisante également, parce qu'elle finit par le thème du malheur. Ça veut dire qu'on entend une véritable frénésie, le thème de l'amour. Et on entend donc ce thème totalement excité. Nous arrivons donc au deuxième acte, et le deuxième acte qui est l'acte central de tout le Ring, d'après Wagner. Et il y a une des scènes d'ailleurs qui est la scène centrale, qui est la scène, la deuxième scène. La première scène nous montre Fricka qui vient faire des reproches à Wotan. Fricka est une femme intelligente. Elle demande la tête de Sigmund, qui est à la fois à commis. Il y a une chose qu'on n'a pas dite, qu'il faut dire, c'est que Hunding a dit à Sigmund, je t'offre l'hospitalité cette nuit, oui, et demain, vrai, nous nous battrons et je te tuerai. Donc tout l'enjeu, l'enjeu est là, à savoir, Wotan va-t-il ou non protéger ce fils? Sigmund va passer la nuit en sachant qu'il sera tué le lendemain. Vous voyez que c'est horrible dans une certaine mesure. Heureusement qu'il a retrouvé l'épée, parce qu'autrement, il était condamné. C'est une véritable exécution pour lui. Eh bien, là, effectivement, il va faire l'amour et il va concevoir, d'ailleurs, elles vont concevoir un enfant qui sera Siegfried. Et puis, que feront-ils? Tout d'un coup, on apprend qu'au milieu de l'acte amoureux, à peine l'acte a été consommé qu'il y a eu l'orgasme, Sieglind est saisi d'épouvante et se sauve dans la forêt. Et Sigmund a beaucoup, beaucoup de mal pour la rattraper. On apprend pourquoi, d'ailleurs. Sieglind a honte. Elle a honte. Elle a honte de quoi? D'avoir couché. d'avoir couché avec Hunding. Pas avec Sigmund. Et elle a peur d'avoir souillé Sigmund parce que un mariage sans amour, c'est là où il y a la véritable obscénité. Fricka, évidemment, n'est pas de cet avis. Et elle demande, comme je vous l'ai dit, la tête de Sigmund à Wotan, qui est son père, qui adore d'ailleurs Sigmund. Wotan prend un air rusé et lui dit qu'il a un plan dans la tête. Fricka, qui on ne le raconte pas, dit quel plan. Et bien, voilà, le plan est extrêmement simple. C'est que Sigmund va prendre l'anneau. Probablement, il va y avoir un vent qui va le pousser vers Fafner. Et il rendra l'anneau au fils du Rhin et nous serons tous sauvés. Fricka dit, tu te moques de moi. Qui a donné l'épée à Sigmund? Et bien, c'est lui qui s'est les conquises. Oui, mais qui l'a conduit vers le tronc? Qui l'a incité à faire cela? Sigmund n'est qu'un valet. Et en aucun cas, un valet peut agir de son propre chef. Par conséquent, lorsque Sigmund va voler l'anneau, c'est comme si toi-même le volais. Et tu seras quand même sous le coup de la malédiction. Mmh. Oui, parce qu'il faut que ce soit un homme libre pour que Wotan soit dégagé. Il faut un homme libre. Or, oui. Il n'est pas libre. C'est un valet. Fricka dit, tu casseras, tu briseras ta lance, car tu auras brisé la loi sacrée du mariage. Et tu auras protégé l'adultère et l'inceste. Et c'est là où il y a la fameuse scène 2, qui est la scène qui d'après Wagner est la scène centrale de tout le Ring. Brunhild, désespérée, voit son père en proie au pire désespoir, à la pire des affres. Et c'est là où Wotan raconte sa fille, à qui il parle comme à lui-même, car elle considère Brunhild comme étant elle-même. Alors justement, on ne s'est pas arrêté sur le thème de Brunhild. Comment elle est fabriquée musicalement, puisqu'elle est à la fois cette déesse qui possède, on va le voir, elle, la seule qui va posséder la connaissance. C'est extrêmement intéressant. Ouais. Et comment va être fabriqué ce thème. Il faut voir quelles sont ce qu'on appelle les tribus, quelles sont les familles d'accords qui vont concevoir les thèmes. Nous avons vu déjà qu'il y avait le thème, rappelez-vous, de la nature, qui est l'accord parfait majeur, on appelle. Le thème de la tragédie, que et vous voyez le thème des Weltsung, c'est le thème de la tragédie. Puis nous avons la fameuse septième diminuée, qui est le thème du drame, qui provient des tierces. Et la même chose, mais en majeur. Qui est un accord de blues aussi. C'est un accord beaucoup utilisé dans le blues aussi. Dans le blues, exactement. Ouais. Or, les Valkyries sont hors normes. Elles sont sauvages. C'est ce qui, au fond, est non intégrable à l'ordre habituel. Évidemment, il y a le chromatisme aussi, la gamme chromatique de l'orgue. C'est ce qu'on appelle la gamme par ton que va utiliser Debussy, largement. Mm-hmm. Et qui est ça ? Bien, ça, c'est vraiment la barbarie, la sauvagerie. Et on entend. C'est le fameux Eyatoho, le cri des Valkyries. La musique de Bournil, c'est d'abord la sauvagerie. Mais c'est aussi le fameux thème des Valkyries. Qui a été un des premiers thèmes, d'ailleurs, que Wagner ait eu en tête. Et là, c'est l'aspect tragique. C'est donc le thème des chevaux chez les Valkyries qui est presque trop connu. Etc. est un thème qui montre le rôle tragique justement des Valkyries. Et celui-ci étant, c'est l'aspect sauvage et l'aspect donc irréductible. Bon, voici donc pour Brunil. Et d'ailleurs, Brunil n'a pas de thème, elle. Ce thème est exactement le même thème que celle des autres Valkyries. Mm-hmm. Elle n'est pas encore différenciée. Bon, Wotan raconte à Brunhild donc toute l'histoire que je vous ai déjà racontée. Et il comprend, il s'est dit, au fond, le seul qui puisse m'être utile, c'est celui qui est libre. Et celui dont la volonté va aller contre la mienne. C'est celui-ci qu'il me faut. Et celui-ci, je ne pourrai jamais l'avoir, car je ne peux me prétrir que des esclaves. Et partout où je vais, je ne rencontre que moi-même. L'homme libre dont il a besoin, il ne peut pas l'avoir. Pourquoi ? Parce que Wotan dit, l'homme libre doit se créer lui-même. Et c'est quelque chose qui est extrêmement profond, et qu'aujourd'hui, je vous assure, n'importe quel dirigeant peut expérimenter, surtout les dirigeants de grandes multinationales mondiales. Les gens qui réussissent sont fabriqués eux-mêmes. C'est l'histoire. Des vrais entrepreneurs sont qui ont créé eux-mêmes leur propre entreprise, qui sont frayés contre et non pas avec. Or, il vient d'apprendre que Alberic aussi, en même temps que Sigmund et Sieglinde sont en train d'engendrer un enfant et ont conçu un enfant, Alberic également en a conçu un. Et il est en train de concevoir un fils qui s'appelle Hagen, toujours un H. Et en définitive, il a bien compris que c'est Hagen qui pourra faire ce que Sigmund n'a pas fait. Sigmund devra mourir. Et c'est là où Wotan se rend compte qu'il tombe sous le coup de la malédiction. Il devra sacrifier son fils, il devra ôter le pouvoir magique de l'épée et ainsi offrir Sigmund au coup de Hunding. Il demande à Brunhild de ne pas le protéger et de protéger au contraire Hunding. Il part désespéré. Brunhild est déchirée. Car elle est fonction sentiment. Elle ne veut rien savoir de tous ses calculs. Elle ne veut rien savoir de l'anneau. Elle ne veut rien savoir de la lance. Elle ne veut rien savoir de toutes ces logiques dont nous avons parlé. Elle sait une seule chose, elle. Wotan aime son fils. Et qu'il ne peut pas le tuer. Il ne faut pas qu'il le tue. Et malgré ça, elle est obligée de lui annoncer sa mort. Et c'est là où nous arrivons à la scène, certainement et de loin, la plus bouleversante de tout le ring. Sans doute la seule scène vraiment bouleversante. On voit Sigmund et Sieglinde qui approchent. Sieglinde et dépenaillée, elle n'a plus rien. Cette femme n'est pas particulièrement belle, vous savez. Elle a été marquée par la vie, par la tristesse. Elle est hors d'elle, car elle est un peu prophétesse, et elle voit déjà Sigmund tué, elle voit déjà Sigmund déchiré par les chiens. Elle s'évanouit à moitié. Sigmund manifeste la plus grande tendresse pour cette femme, et on sent l'amour qui n'est pas un amour sexuel entre Sigmund et Sieglind, qui est l'amour tendresse. C'est l'amour le plus émouvant qu'on puisse imaginer. Et c'est à ce moment-là que Brunhilde apparaît. Elle va annoncer à Sigmund son destin, qui est la mort. Et on entend deux thèmes qui vont avoir une importance considérable dans le ring, surtout le premier, qui est le thème du destin. Le thème du destin n'a que trois notes. Il est emprunté à Beethoven. Qui peut avoir une tonalité plus tragique. Et lorsqu'on entend ces trois notes, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est que le spectateur est interrogé par l'orchestre en disant « Essaye de deviner ce qui va se passer. Fais attention, il va y avoir quelque chose qui va se passer. » C'est le rôle du chœur grec. Qui est emprunté justement au dernier quatuor de Beethoven, qui s'appelle « La résolution difficilement prise ». C'est le titre extraordinaire. Oui, je dis c'est le titre extraordinaire de ce quatuor. C'est exactement ça. L'autre thème qui dérive de celui-ci est le thème de la mort. Qui est... qui finit sur le thème du destin. Cette scène est magnifique. Elle illustre l'art de la transition de Wagner. Car elle commence très lentement et on entend un thème qui est le thème du glas. Brunhilde vient annoncer donc la mort. Sigmund, peu à peu, par une espèce de maïeutique, fait dire à Brunhilde que Sieglind ne pourra pas le suivre. Au Valhall, dans l'autre côté du miroir. Il refuse, à ce moment-là, de suivre Brunhilde. Il ne se séparera pas de Sieglind. Et s'il le faut, il ira en enfer, mais pas au Valhall. Brunhilde lui dit, mais qu'est-ce que tu trouves d'extraordinaire à cette pauvre femme, fatiguée, vieillie en définitive par les privations, etc., alors que tu refuses les splendeurs du Valhall et la beauté de toutes les filles de Wotan. Et c'est là où Sigmund jette à la tête de Brunhilde son mépris. Il explique à Brunhilde ce qu'est l'amour. Winterstürme wichen dem wonne Mond, in mildem Lichte leuchtet der Lenz, auf linden Lüften leicht und lieb. Wunderwebend er sich wiegt, durch Wald und Tal weht sein Atem, weit geöffnet lacht sein Aug. Das sing'ge Vöglein sang es süßen Glück, alle Düfte auf der Brunhilde commence à être extrêmement émue, offre à ce moment-là de prendre soin de Sieglinde et l'enfant qui l'attend. Mais Sigmund ne cesse pas d'attendrir, il décide de se suicider, de tuer Sieglinde et l'enfant qu'elle porte sur son sein plutôt que de les livrer aux ennemis. Et là, c'en est trop pour Brunhilde. Elle flanche. Elle décide de désobéir à Wotan. Elle suit son cœur. Elle décide de changer l'issue des combats. Elle protégera Sigmund et elle le sauvera. Nous voyons là cette scène qui est bouleversante, car pour la première fois, Brunhilde, qui n'était qu'une instance de Wotan, c'était la fille à papa, c'était le reflet de son père, prend son autonomie en lui désobéissant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Wotan, qui cherchait un être libre, là devant lui, il ne la voit pas. Il ne le voit pas. Il ne voit pas que c'est Brunhilde qui pourra sauver les dieux, car c'est le seul être libre. Elle a désobéi à Wotan. Malheureusement, les choses ne tournent pas comme ça. Et dans une scène déchirante, Sigmund et Hunding se battent. Brunhilde protège effectivement Sigmund, mais Wotan apparaît, brise l'épée et Sigmund meurt sous les coups de Hunding, mais entre les bras de Wotan dans la plupart des mises en scène, bien qu'il n'y ait rien de tel indiqué dans la partition. Voici donc le deuxième acte. Le troisième. Eh bien, mon Dieu, le troisième n'apporte rien d'important et rien de nouveau, sinon que Brunhilde est condamnée par Wotan au divorce d'avec son père. Elle ne sera plus déesse, elle ne sera plus une valkyrie. Wotan va l'endormir et elle sera réveillée. Donc elle est condamnée à être sur un rocher. Oui. Elle est dans à disposition de l'homme qui voudra la prendre, et car ça. Elle devient femme. Exactement. Donc son destin devient nettement moins drôle. Et au début, d'ailleurs, elle est effrayée parce qu'elle a peur, effectivement, elle qui est une déesse, d'être déflorée par un lâche. Et c'est elle qui demande à Wotan d'entourer le rocher où elle va être endormie par un cercle de feu, de telle sorte que seul l'homme qui ne connaît pas la peur puisse la réveiller. C'est là où retentit quand même le thème de Siegfried, qui est un des thèmes les plus beaux qu'on puisse imaginer, et qui est celui-ci. Bon, ce thème n'est rien d'autre que le thème de la malédiction. Eh oui. C'est un thème extrêmement voisin. Et là encore, on se demande à quoi est due cette similitude. Et ça, c'est une des caractéristiques du ring que de cultiver ce genre d'ambiguïté et avoir le même thème pour représenter des concepts opposés les uns des autres. Donc, la Valkyrie, ce premier acte, on a eu le prologue lors du Rhin, la Valkyrie s'achève donc sur cette image extrêmement forte de Brunhilde endormie sur son rocher, entourée d'un cercle de feu, ce thème du feu qui est là tout le temps, et qui nous laisse en suspens, attendant Siegfried. Ce thème du feu... Le thème, en effet, du sommeil, ça. Qui n'est rien d'autre que le thème des filles du Rhin. Unité, donc, c'est le retour à l'enfance, c'est le retour à l'état d'innocence. Et ceci, pendant 17 ans. Yeah! Affrontera-t-il un jour la lance? Tuera-t-il Brunhilde? Tuera-t-il le dragon? Rendra-t-il l'anneau fille du Rhin? Vous le saurez, mais il faudra patienter pour cela. Et d'abord, vous pouvez peut-être réécouter ou télécharger cette émission histoire de bien tout vous approprier de cette folle histoire. Nous voici donc au terme de ce deuxième parcours parmi les dieux, les nains, les géants. D'ailleurs, parfois, on est très content d'être un simple mortel qui peut tout de même compulser quelques livres et quelques disques pour accompagner notre découverte wagnérienne. Vous dire que nous avions choisi une version référence, c'était celle de Sir Scholti, 1964, avec une distribution tout à fait impressionnante qui va de George London à Kirsten Flagstad en passant par Régine Crespin, Hans Sutter, Birgit Nilsson, Christa Ludwig, Brigitte Fassbender, Wolfgang Wingesson, enfin bref, John Sutherland, Lucia Pope, Gwyneth Jones. Donc vraiment c'est une incroyable version qui est donc celle qui nous accompagne. Il y en aurait beaucoup d'autres et on parlera de beaucoup d'autres versions dans le quatrième volet. Et puis il y a aussi une façon formidable d'essayer de comprendre cette œuvre, c'est de la regarder en DVD. Alors en DVD, il y a ce ring mythique Chéreau Boulez chez Deutsche Grammophon. C'est vraiment, quand on regarde ça, la réalisation parfaite du rêve de Wagner. Je trouve la fusion parfaite de la musique et du théâtre. Et puis on peut lire aussi, on peut lire évidemment l'avant-scène opéra avec un coffret consacré au ring où là vous avez vraiment l'analyse de la partition, le texte, des articles. Voilà, de quoi être vraiment, devenir des Wagneriens fous, car tout Wagnerien se doit d'être fou. C'était les Vendredis de la musique, une émission proposée par Jeanne-Martine Vacher, attachée de production Sylvia Favre, mixage Renan Mahé, et notre réalisateur dont le chant n'a rien à envier au chant des Valkyries, Olivier Guérin.